du sale, j'enfile ses rages, on les baise. J'ai rien de mal, j'écris mes sons, je fais mes dièses. Tu veux ma place, mais mon talent, tu minimises. Je laisse les cours de maths pour faire mon jazz dans la musique. Sens unique, j'ai commencé à 13 piges. Sors sur le banc, mes bras qui sont numéro 10. La vie de rêve, c'est pas si belle, c'est rempli de vice. C'est VIP, c'est grosse liasse, c'est plein de bitch. Et de la merde, ils essaieront de te la mettre. Oh, hey, c'est mal nous connaître, on vient pas de cette planète. Oh, yeah. Le gang est là, qui ose, qui peut nous la mettre à l'envers, qui ose. Gucci Dio, Dio, on arrive, on va les éparpiller. On voulait tout, on voulait cash, on voulait baisse. On voulait sale, on voulait faire la vie de rêve. On prie le ciel, on veut beaucoup de billets verts. J'ai quitté le quartier, une faux grosse maison. Je règle les factures, je veux aucune pression. Je veux ma part de gâteau, la vie d'El Chapo. Désolé maman, si j'ai quitté la maison trop tôt. J'ai quitté le quartier, une faux grosse maison. Je règle les factures, je veux aucune pression. Je veux ma part de gâteau, la vie d'El Chapo. Désolé maman, si j'ai quitté la maison trop tôt. Ne savent même plus c'est quoi notre sort. Le regard des darons, dit long frérot quand on sort. Ça grade des textes au texte, mais ça parle de Lamborghini. C'est l'ambition, tant qu'on vit c'est jamais fini. On fait ça pour le gang, on déçoit jamais la famille. On fait ça contre ces bâtards qui nous servent d'ennemis. Mère contre la défaite, c'est jamais dans notre langage. Si on perd, on brûle le livre, champion on tourne pas la page. Que de la merde, ils essaient d'être la merde. C'est mal nous connaître, on vient pas de ces deux planètes. Oh non, l'équipe est là, qui ose, qui veut nous la mettre à l'envers, qui ose. Gucci Dio, Dio, on arrive, on va les épargner.